Jiffy des idées de génie. En ce moment chez Jiffy, la collection Toussaint est arrivée. Plaques, compositions florales, fleurs artificielles, bougies pour immortaliser les moments heureux. Le coussin chrysanthème à 4,99€ et le piquet de pensée à 69 centimes. Oui, 69 centimes. Le plaisir de se souvenir avec Jiffy. Jiffy des idées de génie. Le Japon possède actuellement bien plus d'archéologues que la France et l'ensemble des nations. Curieux donc de voir un pays où la tradition semble si prégnante accéder à cet éclairage sur la nature de ces sociétés anciennes et ainsi, au travers de l'archéologie, de remodeler la manière dont il se représente sa propre histoire. J'ai eu la chance de parcourir ce Japon archéologique, de découvrir des fouilles aux méthodes et pratiques qui ne sont pas toujours les nôtres, de percevoir sur le terrain d'étonnantes cultures, qu'il s'agisse du Jomon ou du Yaoi. Le Japon, le magazine de l'archéologie l'a évoqué à plusieurs reprises, autour des sociétés Aïnou, mais surtout avec Pierre-François Souiri et son magistral ouvrage « Le monde à l'envers ». Mais aujourd'hui, remontons le temps pour plonger aux origines, 36, 38 000 ans d'histoire japonaise, avec Laurent Nespoulous. Bonsoir. Bonsoir. Ancien pensionnaire de la maison franco-japonaise de Tokyo, Laurent Nespoulous, vous avez actuellement en charge la direction du département d'études japonaises à l'INALCO, le fameux Langzhou, et venez de publier, avec Pierre-François Souiri, qui hélas ne peut être présent aujourd'hui, un très gros volume, une synthèse intitulée « Le Japon des chasseurs-cueilleurs à Heian », qui vient de paraître dans l'excellente collection « Mondes anciens » aux éditions Belin. Laurent Nespoulous, le Japon n'a pas toujours été un archipel et c'est durant cette période que l'homme s'implante sur ce nouveau territoire ? Oui, en effet, le paléolithique supérieur au Japon court sur plusieurs dizaines de milliers d'années et de la même manière que les sociétés humaines évoluent, le climat a changé, même si c'était quand même tout le temps la même période glaciaire. Et le Japon a été relié au continent, notamment par le nord, peut-être par le sud-ouest, mais ça commence à être de plus en plus critiqué. Ça pourrait être quand même resté un bras de mer entre la péninsule de Corée et le nord de Kyushu. Et on a comme ça des sociétés qui arrivent il y a 38 000 ans, qui apparaissent. Ils viennent d'où ? Ils viennent en bateau ou ils viennent à pied sec ? Ils viennent plutôt en bateau, a priori, puisqu'on les découvre, les premières traces d'activité humaine, on les découvre sur l'île de Kozu, qui est une île légèrement au large de Honshu, l'île principale du Japon. Et les gens apparaissent là à exploiter les sources d'obsidienne de cette île. Et cette île n'a jamais été connectée à Honshu. Donc, a priori, ils sont venus en bateau depuis le continent. Puis ensuite, il a fallu reprendre le bateau pour aller à l'île de Kozu, ce qui implique des sociétés qui savent pêcher, parce que l'obsidienne ne se mange pas, et qui savent naviguer aussi. C'est l'homme moderne, bien sûr. Ah voilà, évidemment. C'est là, on est sur du Homo sapiens. On n'a pas de preuves d'humanité plus ancienne que Homo sapiens et au-delà d'il y a 38 000 ans. Au Japon. Autant, il y a quelque temps, on avait pensé que l'homme au Japon était vieux de 600 000 ans, mais l'on a appris après que Fujimura Shinichi avait tout simplement fait des faux pour étayer sa théorie. Bah oui, grand scandale. Ah oui, ça a fait effectivement un grand scandale et l'archéologie paléolithique japonaise a mis du temps à s'en relever. Il a fallu faire un audit, un état des lieux de toutes les découvertes de ce monsieur qui s'avérait frauduleuse. C'est des objets archéologiques dans les couches, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il farcissait les couches stratigraphiques les plus anciennes avec des obsidiennes taillées d'époques bien plus récentes. Donc c'était quand même déjà, enfin. Pas mal de gens, en fait, se doutaient déjà qu'il y avait un problème. Hein. Mais après, il faut faire éclater le scandale. Et donc, il n'y a pas eu de super Homo erectus au Japon. Et donc, ce n'est pas 600 000 ans, c'est 36, 38 ? On est sur du « il y a 38 000 ans ». C'est toujours un petit peu compliqué de savoir exactement. Mais oui, on a des traces d'activité humaine dans ces horizons-là, et pas avant. Il y a 30 000 ans, un volcan est en éruption dans l'archipel de Kyushu et c'est un très bon marqueur pour les archéologues. Alors oui, enfin, c'est toujours compliqué quand les archéologues disent « chic, un cataclysme naturel » parce qu'effectivement, ça permet de dater les couches stratigraphiques au moins grossièrement avant et après. Et Kyushu connaît une éruption assez monstrueuse. Hein. Il y a une grosse trentaine de milliers d'années. C'est le volcan Sakurajima qui existe toujours. C'est à ce moment-là que se forme sa gigantesque caldeira qui rejette des quantités astronomiques de détritus. Et ça va marquer, constituer une couche stratigraphique datable par les méthodes d'archéométrie moderne qui permet d'être bien certain que cette activité humaine dans les couches stratigraphiques inférieures est bien antérieure à cette éruption volcanique. Et le Sakurajima va continuer à avoir des éruptions assez régulièrement au cours de son histoire. Il existe toujours, hein, ce volcan, hein, il n'est pas du tout éteint. Et permet assez régulièrement, comme ça, de marquer des étapes importantes au cours du paléolithique, mais de la période Jomon et au-delà, hein, bien sûr. Et on a beaucoup de sites, l'ensemble du Japon est déjà occupé durant ces époques, vers 30 000 ans. Alors, il y a 30 000 ans, on commence à avoir du monde un petit peu partout, au moins en tout cas dans le grand ouest de l'archipel, jusque dans le Kanto. Hein, donc, et c'est de toute évidence les ressources minérales de l'archipel, c'est-à-dire l'obsidienne, mais aussi des roches basaltiques, hein, de l'agate, des roches métamorphiques de toutes sortes. Parce que le Japon, il y a beaucoup de volcans, c'est dangereux, mais du coup, il y a aussi une disponibilité des ressources minérales qui sont très intéressantes. Pour régionalement, on n'a pas ailleurs. Cette variété, cette densité, alors je vous cacherai pas que j'ai pas regardé dans le détail, mais c'est quand même assez exceptionnel, quoi. Et ça explique un petit peu pourquoi on a des gens qui viennent là et qui semblent y rester quand même, hein. Laurent Espoulous, différentes vagues de population se sont implantées dans l'archipel. Les archéologues pensent par exemple que la seconde vague serait issue de Sibérie. Alors oui, effectivement, on a les premières traces d'occupation vraiment du nord-nord de l'archipel remonteraient à il y a en gros 24 000 ans, hein, sur l'île de Hokkaido. Et compte tenu du type d'industrie lithique qu'on a là, on a tendance à considérer que ça s'inscrit quand même dans un continuum avec ce qu'on connaît pour la Sibérie orientale. Au même moment. Et ces territoires n'ont pas de présence humaine avant cette arrivée, donc juste un petit peu avant le dernier maximum glaciaire qui intervient il y a en gros 20 000 ans, quoi. Et durant cette période, on voit de tout petits objets et puis des méthodes très connues que l'on connaît déjà en Sibérie qui parcourent un peu tout le nord de l'Eurasie. Alors ça se fait pas immédiatement, mais effectivement, ça va se mettre à percoler au Japon. Et bon, c'est un petit peu schématique, mais c'est pas faux non plus. On va avoir ces influences de l'ouest de l'archipel qui vont finir par rencontrer ces influences du nord de l'archipel et qui vont se rencontrer, aux surprises, au milieu de l'archipel. Puis ça va donner un complexe culturel en plein milieu du tardiglaciaire, c'est-à-dire au milieu des 10 000 dernières années de la période glaciaire, autour d'il y a 16 000 ans, hein, en gros. Et ce complexe, cette culture qu'on appelle culture de Mikoshiba, va donner naissance aux premières poteries de l'archipel. On va voir apparaître l'arc et la flèche. Et puis l'environnement est en train de changer, hein. Le tardiglaciaire, c'est un moment de réchauffement climatique, hein. Le grand tournant de cette préhistoire japonaise, justement, c'est une période extrêmement originale. Elle émerge vers 16 000 ans et nous voici devant la culture Jomon. Voilà, alors Mikoshiba, qui traditionnellement était pensée comme une culture du paléolithique, comme maintenant on sait qu'il y a de la poterie, on considère que c'est là que va commencer Jomon, hein, donc il y a 16 000 ans. Et on va avoir petit à petit des sociétés qui vont se mettre à produire des terres cuites, mais des terres cuites pour cuire des choses. Hein, non décorées. Voilà. Alors, les premières sont pas décorées. Assez rapidement, quand même, on a des choses décorées, mais les premières ne sont pas décorées. Ou en tout cas, les tessons sont dans tel mauvais état qu'on n'est pas capable de... Voilà. Ce qui est un peu contre-intuitif quand on connaît l'exubérance de certaines poteries Jomon plus tardives. C'est l'apparition aussi de l'arc? Oui. Et ça, bon, c'est vrai qu'on est dans un contexte où la forêt change, hein, et l'arc et la flèche vont être des outils de prédation sur le milieu, qui vont progressivement remplacer des armes plus lourdes et moins adaptées aux nouvelles proies de la forêt tempérée qui se met en place. Et puis on voit apparaître des maisons semi-enterrées. Et ça, on va le retrouver pendant très très longtemps. Oui, alors c'est Effectivement, on a un habitat sédentaire assez tôt. Hein, au Japon, on est à peu près certain qu'au début de l'Holocène, on a des sociétés qui sont très fixées. Et puis, cette sédentarité va donner lieu à des constructions qui sont du type semi-enterrées. Donc, en gros, les murs, c'est un trou dans le sol. Et puis, on a une charpente qui tient une toiture. Alors, les archéologues sont très contents parce que du coup, ça laisse quand même des traces dans le sol. Et ça va être, alors typologiquement, il y a de la variété hein, tout au long de la préhistoire du Japon. Mais effectivement, ça va être une modalité d'habitation, un type d'habitation qu'on retrouve jusqu'à des époques subactuelles. Hein. Entre il y a 16 000 ans et 3 000 ans, voici sur une période absolument gigantesque. Est-ce qu'il ne faudrait pas séquencer, subdiviser cette grande période Jomon qui va de la préhistoire jusqu'au... Oui, enfin c'est comme pour toutes les périodes de l'histoire humaine. Plus de 10 000 ans, c'est trop, quoi. Mais bon, en archéologie, grâce notamment à la poterie Jomon, on a quand même une typochronologie assez fine de ces choses. Et on a un certain nombre de phases. Et pour la faire très très simple, on a une grosse première moitié du Jomon où on a ce complexe technique et culturel Jomon qui se met en place, hein, des logiques de prédation sur un milieu qui sont bien particulières, hein, une gestion de la forêt. Et puis dans une seconde partie, c'est-à-dire il y a en gros d'il y a 6000 ans à il y a 3000 ans, on va avoir des villages qui se mettent en place et une densité démographique qu'on n'associe généralement pas hein, à des sociétés de chasseurs-cueilleurs comme en Europe de l'Ouest quand on parle de mésolithique. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Laurent Despoulos, le Jomon a été jugé comme un paradoxe oui, du moins par rapport au schéma classique que l'on connaît au Moyen-Orient. Oui, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que c'est si stimulant. C'est qu'en fait, on n'est pas face à l'évolution linéaire traditionnelle qu'on nous apprend, qui n'est pas complètement fausse, hein, mais dont on sait maintenant qu'il y a quand même plein de contre-exemples, où on va avoir les paysans, la sédentarisation, la poterie, enfin tout ça dans un ordre, puis on ira jusqu'à la ville, hein, on sait bien. Et l'État. Et l'État, effectivement, au bout du... On sait qu'en fait, l'évolution est beaucoup moins linéaire que ça. Et dans le cas du Japon, bon, on a la poterie d'abord, la sédentarité ensuite, puis effectivement des villages. Mais on a aussi des phénomènes de redispersion. Bref, ça va un petit peu dans tous les sens, tout ça. Cette société Jomon, elle est donc non agraire, mais déjà avec des céramiques. Parce qu'il s'agit de fait d'une société stockeuse, pour reprendre un terme d'Alain Testard. Oui, c'est d'ailleurs bien une des caractéristiques les plus intéressantes, c'est que ça permet d'expliquer notamment la sédentarité, cette capacité à stocker les ressources naturelles que livre la forêt. Permet de fait de stocker et d'envisager une vie relativement fixée dans l'espace. Donc ils sont vraiment sédentaires. Ah, ils sont vraiment sédentaires. On a essentiellement deux types hein, de vestiges archéologiques qui permettent de le comprendre. C'est d'une part les gigantesques amas coquillés. Donc c'est les poubelles, parce qu'ils mangent aussi des coquillages, parce qu'ils sont au bord de la mer et que comme le réchauffement climatique aide, on a plein d'espèces qui peuvent être consommées, donc ça fait des gros amas coquillés. Et dans ces amas coquillés, en fait, on a d'autres détritus que les coquilles et on arrive à se rendre compte qu'en réalité, les poubelles sont actives toute l'année. C'est pas juste actif à la saison où on chasse l'huître et où on récolte les huîtres et où on les mange. C'est actif toute l'année. On a donc des espèces. Les mois en R. Ouais, voilà, c'est pas que les mois en R. Et donc, du coup, ça indique bien qu'on a des populations qui sont fixées en permanence. Et puis après, on se met à avoir des habitats groupés qui sont quand même actifs toute l'année avec leur dispositif de stockage. Alors, les premiers stockages relèvent de l'ensilage. Hein. En gros, on stocke les glands et les marrons. C'est pas du blé, c'est pas des céréales, hein, mais c'est des glands et des marrons, essentiellement. Et on a donc une économie de stockage qui se met en place. Les sociétés stockeuses sont des sociétés très importante dans l'histoire de l'humanité. C'est une économie de transformation. Alors, on fait quoi? On collecte les marrons, les châtaignes, et qu'est-ce qu'on en fait? Alors, les châtaignes, on peut les manger directement. Par contre, les marrons, c'est problématique, parce que c'est une variété qui est en fait assez voisine de ce qu'on appelle en Europe le marron d'Inde. C'est pas comestible comme tel. Vous pourriez le manger, mais il y a toute une transformation à faire. Et c'est pareil pour les glands. Il y a des glands doux qu'on pourrait consommer tel quel, mais il y a beaucoup de glands qui sont consommés, qui sont en fait des glands amers, qui sont pas comestible tel quel. Et donc, en même temps qu'on voit apparaître cette poterie, on a toute une économie de transformation de ces fruits En gros, on va se mettre à les concasser, à les tremper, à les cuire à des températures relativement basses, mais pendant des durées de temps assez étendues. Et on a besoin de la poterie dans cette économie de transformation de ces ressources de la forêt. Sans quoi, ces ressources sont très intéressantes, mais elles ne sont pas comestibles. Donc, c'est une économie de transformation qui vise à rendre comestibles des choses qui, sinon, ne le seraient pas. Et cela apparaît dès le 8e, 7e millénaire ? Alors, au 7e millénaire, disons, 8e millénaire, on a le kit complet. Donc, on a la poterie, on a les pierres qui servent à moudre les glands, on a les premiers silos et on a les premiers habitats groupés avec les premières maisons. Mais ces choses apparaissent quand même en ordre relativement dispersé, donc c'est en gestation, depuis effectivement la fin de la dernière glaciation, depuis la fin du tardiglaciaire. Donc déjà depuis quelques milliers d'années. Le Jaumont montre donc que bien des modèles différents ont été testés par les communautés humaines à travers le monde et parfois avec succès. Bah là, pour le coup, ça a permis à ces sociétés de fonctionner quand même des milliers d'années. Alors, elles ont une histoire quand même, hein. Elles sont pas égales à elles-mêmes depuis il y a 16 000 ans jusqu'à il y a 3 000 ans. Il y a des moments de plus grande densité, il y a des moments de plus grande inventivité technique aussi. Mais fondamentalement, elles vont garder une assise de chasseurs-cueilleurs. Quand bien même ils sont sédentaires, quand bien même ils produisent des objets en lac, quand bien même ils ont une poterie très sophistiquée et que ces sociétés ont beaucoup à raconter en termes de culture matérielle. C'est le lac ou la laque ? La laque, je crois, l'arbre à lac. Hein ? Et c'est déjà utilisé ? On considère que ce sont les lacs les plus anciennes, parmi les plus anciennes connues de l'humanité. Alors l'arbre à lac lui-même a priori pas été domestiqué dans l'archipel. On ne sait pas où il a été domestiqué d'abord en premier lieu. Hein, ce sont des espèces domestiques qui sont cultivées dans le nord du Japon. Ce sont des sociétés non agraires, mais qui domestiquent la laque, qui n'est pas comestible. Les archéologues ont été très intéressés, les archéologues européens notamment, très intéressés par cette période Jaumont. On la cite toujours en exemple. Et puis, c'est vrai que, bon, il y a aussi un autre élément, c'est que l'archéologie japonaise est riche d'une documentation qui est quand même, qui a peu d'égal, sauf dans les pays peut-être occidentaux. Et donc, c'est vrai que quand on s'intéresse à une question, on a vraiment de la donnée archéologique à se mettre sous la dent, à envisager des comparaisons, et c'est ça qui est très stimulant, effectivement. Il y a une actualité sur cette période Jaumont, des fouilles ? En permanence. Ça s'est beaucoup accéléré depuis, on va dire, les années 90, mais d'une manière générale, ces 10 dernières années, on a toute une série de musées de sites archéologiques dans le nord-est de l'archipel qui ont vu le jour et qui sont, sur le plan de la muséographie, absolument remarquables. Hein. Revenons à la poterie. Le Japon a longtemps prôné être le premier foyer de cette innovation. L'histoire a quelque peu changé depuis. Oui, on a effectivement pu obtenir des dates a priori plus anciennes sur le continent, dans le monde russe, enfin le monde sibérien, mais également en Chine. Mais, même Corée aussi, je crois. Alors, en Corée, on fait presque jeu égal, on va dire. Il semblerait donc que produire des vases en terre cuite, des pots en terre cuite, correspond quand même assez bien à l'évolution du couvert forestier. Ce couvert forestier riche en glands, marron, et ça accompagne donc des techniques de prédation sur ce milieu-là. La grande période de l'art céramique, c'est le Jaumont moyen, vers 2500 avant notre ère, avec des productions tout extraordinaires, baroques même, avec des flammes. Première étape de l'histoire de l'art au Japon. Alors c'est vrai que c'est effectivement assez facile de le présenter comme ça, compte tenu des vases auxquels on a affaire. Il est tout à fait clair qu'il y a des artisans, enfin il y a des techniciens qui maîtrisent des savoir-faire qui n'existaient pas avant et qui peuvent se spécialiser dans ce type d'activité, compte tenu de la qualité de certaines réalisations. Donc on aurait fait des spécialistes. En réalité, on a des types de vases qui sont bien établis, avec des types de décors qui sont bien établis, mais il y en a qui sont mal réalisés, d'autres qui sont moyennement réalisés, et d'autres qui sont remarquablement réalisés. Ce qui implique bien qu'il y a quand même une hiérarchie, si ce n'est entre les personnes, hein, mais une hiérarchie entre les exécutants, quoi. Donc, l'apprentissage. Ben voilà. L'apprentissage. On peut bien imaginer que pour atteindre un certain niveau d'exécution, il faut passer beaucoup de temps et il faut que la société vous soutienne pour que vous arriviez à ce type de niveau d'exécution. Et pourquoi donc ces décors en forme de flamme exubérante ? Flamme ou autre d'ailleurs ? Oui, parce qu'il n'y a pas que ça effectivement. Non, non. Mais bon, la question reste quand même largement ouverte. Ils investissent. Alors, c'est vrai qu'il y a assez peu de décors animaliers, hein, en tout cas dans un premier temps. Et c'est surtout des motifs... Alors, le motif flammé, c'est bien parce que on arrive à reconnaître qu'il s'agit d'une adaptation de la flamme. Mais il y a des motifs pour lesquels on sait absolument pas quoi en tirer au niveau de leur source. Laurent Nespoulos, c'est aussi la période des statuettes, les dogous, qui pourraient bien avoir des fonctions apotropaïques. Il faut dire que le climat change et que les grands habitats sont eux aussi en train de disparaître. Les populations Jaumont étaient-elles inquiètes ? C'est en tout cas une des hypothèses que vont formuler les archéologues japonais, parce qu'effectivement les dogus, ces figurines de terre cuite, sont connues quand même depuis le début de la période Jaumon, mais il y a une accélération à la fin du Jaumon moyen et au Jaumon récent quand on commence à voir vers l'art. Ben voilà, et on voit les gros sites d'habitat groupés du nord-est de l'archipel, les gros villages petit à petit cesser de fonctionner et exploser la quantité de ces figurines qui sont quand même très souvent des représentations féminines quoi hein. Donc on se dit est-ce que c'est une manière de gérer un monde qui pose de plus en plus de problèmes, notamment peut-être liés à des questions liées à la maternité. Enfin, les pistes sont quand même assez larges, mais bon, c'est le genre de choses. Il faudrait vraiment avoir une ligne directe avec les auteurs pour pouvoir leur poser la question. Alors j'en ai vu beaucoup autour de Nagano. Ce sont des chefs-d'œuvre pour les Japonais. Oui. Ce sont des œuvres capitales. Mais effectivement, dans le système de classement des biens du patrimoine au Japon, vous avez quelques-unes. Bon, il y a aussi des poteries, sûrement, mais vous avez quelques-unes de ces figurines qui peuvent être tantôt appelées Vénus, tantôt appelées déesses, qui font l'objet de classements en trésors nationaux. Parler de Vénus ou de déesse, évidemment, est sans doute un anachronisme. On n'est pas sûr du tout que ces sociétés soient des sociétés à Dieu, hein, comme voilà. Il faut relire l'Intestard. Voilà, c'est ça. Il a fait un livre sur les déesses. En plus, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que dès la période Edo, donc vers le XVIIe, XVIIIe siècle, la découverte de poteries Jaumon fait prendre conscience d'un très lointain passé à certains penseurs japonais. Effectivement, l'équivalent de notre antiquarisme, en fait, existe dans le monde, en Asie orientale et au Japon aussi. Et donc, on s'intéresse aux antiquités, aux objets anciens, et certains gisements de poterie, notamment dans le nord-est de l'archipel, sont connus assez tôt et posent des problèmes, parce qu'en fait, on ne sait absolument pas classer, on ne sait pas où placer ces productions. Alors, c'est des productions généralement de la toute fin du Jaumon, mais on ne sait pas du tout les classer, on ne sait pas dans quel continuum historique placer ça. Et c'est pareil pour le lithique d'ailleurs, c'est pareil pour les objets en lithique. Et on va se mettre à considérer que c'est des objets qui proviennent du temps des dieux, des mythes de l'archipel. C'est une manière de dire préhistoire en des termes, on va dire, qui sont pas ceux du 19e ou du 20e siècle. La grande rupture de la préhistoire japonaise, c'est bien entendu l'arrivée de l'agriculture. Un vrai néolithique caractérisé par un système agraire. Nous voici avec une nouvelle culture, le yaoi. Deux théories étaient possibles, un autochtonisme ou un diffusionnisme des populations ou une technique venue d'ailleurs. Alors, comme souvent dans ce genre de situation, en fait, c'était les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, la riziculture n'est pas autochtone au Japon. L'agriculture n'est pas un phénomène strictement autochtone au Japon. Ça vient du continent. Mais il est tout à fait certain que les populations déjà présentes dans l'archipel, on les appelle Jaumon si on veut, ont joué un rôle majeur dans tout ça, notamment pour permettre l'occupation des espaces. Et puis on voit bien par ailleurs dans tout un tas de gestes, dans tout un tas de productions, poteries justement de cette période yayoi, que des motifs, des décors sur les poteries ressemblant quand même beaucoup à ce qui se faisait à la fin de la période de Jaumon persistent. Donc c'est pas un remplacement. C'est pas le grand remplacement, c'est pas la vague qui déferle et qui recouvre tout. C'est aussi l'introduction de bronze, de fer. Alors, ça arrive très vite. La chronologie a quand même beaucoup évolué ces dernières années. On a quand même d'abord un temps de la néolithisation, au sens formation des sociétés agraires dans l'archipel, dans le nord de Kyushu d'abord. Vraisemblablement pendant l'essentiel de la première moitié du premier millénaire avant notre ère. Et puis effectivement, à partir du milieu, du premier millénaire avant notre ère, on va se mettre à avoir des métaux. On va se mettre à avoir des objets en bronze, en fer, mais qui sont pas produits localement quand même, qui font l'objet d'une importation ou d'échanges avec la péninsule de Corée qui, elle, connaît bien le bronze à ce moment-là. C'est les fameux miroirs chinois ? Alors oui, on a les premiers miroirs qui sont si importants en Chine, de ce monde-là, hein, qui font leur apparition discrète d'abord, et puis après, on les retrouve assez régulièrement jusqu'au Yayoi récent, c'est-à-dire passer même le cap du début de notre ère. Les inégalités sociales sont-elles désormais plus fortes qu'à la période précédente, le Jomon ? Oui, ça prend quand même un petit peu de temps, dans le sens où entre le début des premiers riziculteurs du nord de Kyushu et la formation clairement d'une classe sociale qui surplombe les autres, on a quand même pas loin de 5 siècles hein, qui passent dans le nord de Kyushu. Mais progressivement, à mesure que les sociétés de l'archipel vont bien s'installer et se densifier, on va voir apparaître ce genre de personnage au statut tout à fait particulier. Et on retrouve les tombes, justement, voilà, avec du matériel chinois. Et on va se retrouver, effectivement, essentiellement, c'est un peu avant, mais ça devient régulier, à partir de la fin du 1er siècle avant notre ère, on a effectivement des tombes de chefs, plutôt moyennes d'abord dans leur taille, mais après, elles deviennent toujours de plus en plus grandes, avec des bronzes chinois, des armes en bronze, des armes en fer, du verre aussi. Tout un tas, en fait, d'objets qui n'ont pas d'origine locale, mais qui se retrouvent dans l'ostentation du rite funéraire. À la fin du Yayoi, au tournant de notre ère, le système semble imploser avec de la violence, des élites sociales ostentatoires, des nouveaux réseaux d'échange. Oui. Alors, effectivement, à partir du moment où on va commencer à avoir les premiers chefs, d'abord, on a les grands sites d'habitat villageois de ces sociétés paysannes qui avaient jusque-là plutôt prospéré. On va les voir au tournant du début de notre ère imploser. Et on va voir inversement exploser la dimension ostentatoire de la pratique funéraire des élites sociales. Et on voit aussi apparaître les traces indubitables d'une violence interhumaine qu'on connaissait quand même assez peu avant. Hein. Au IIIe siècle de notre ère apparaît des princes, c'est le temps des gigantesques tertres, ce que l'on appelle les kofun, nous en avions parlé voici peu dans cette émission. Durant le courant du VIIe siècle et au cœur d'un état centralisé, surgit un empereur, le Tenno. Le Japon émerge alors dans sa forme que nous lui connaîtrons jusqu'à la fin du XIXe siècle, 1870 exactement. Alors oui et non. Parce qu'effectivement, c'est de la fin du 7e siècle que date le titre de Tenno et même le nom de Japon, hein, Nihon en japonais. Donc il est indubitable qu'il y a un état Japon qui se met en place entre le milieu du 7e et la fin du 7e siècle. Et ce régime, il se caractérise par un pouvoir qui est très centralisé, installé dans une capitale, et qui s'appuie sur des terminaux administratifs un peu partout à travers l'archipel, et qui en fait fait vraiment du Japon un territoire politiquement assez étendu. Ce système, ce fonctionnement est quand même balayé par les sociétés féodo-vassaliques qui vont arriver derrière à partir du 11e, 12e, 13e siècle. Et c'est vrai qu'au Japon moderne, on a vendu le Japon moderne comme étant en fait un moment où on ressoudait la chaîne des temps comme à l'antique. Laurent Despoulos, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre que vous avez coécrit avec Pierre-François Souiri, Des chasseurs-cueilleurs à Yan, donc le Japon, publié chez Belin. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Ruben Carmazine, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chapon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. Thank you.